Ici c'est Broco au micro, full avec loco à la teco. Toutes les go, en son accro. Chaque week-end, même dans la semaine, j'gagne, enchaîne, scène sur scène. Mais faut pas croire qu'on se la fait traîner. Même sous pression intense, j'fais preuve d'omniprésence. Issu des ghettos en France, j'garde pour moi ma souffrance. Broco, mec de test, entre rap et business, dans la rue comme sur scène. D'être moi-même, jamais je ne cesse. On prend les mêmes et on recommence. DJ Mehdi scratch, au micro c'est Kerry. Si tu veux clash avec lui, vas-y. Faut pas qu'on se vote, faut représenter les nôtres. Dans ce milieu, la roue tourne. Y'a des putes et des têtes qui sautent. Plus question de rester là, les bras croisés. Les foules sur notre passage, on les a toutes embrasées. Dernier mot pour les miens, mafiosi africain. D'hier à aujourd'hui, Inch'Allah pour demain. Official, gros noir, bien portant. Physical, pour moi c'est important. Garde mon souffle, fume pas de spliff. Rien que je bouffe, impulsif, un peu ouf. Ici c'est Teddy, le négro qu'elle dira séduisant, ouais, séduisant. Idéal jusque dans l'âme, j'enculé les médisants. Avec Kiri on fait notre route, cela depuis 10 ans. Depuis 10 ans, c'est que maintenant qu'il raconte tout ce que nous semons. Mais tu ne peux affronter notre amitié, nos années passées ensemble. Il me semble divers en été, en famille. Beaucoup l'ont été, en famille. Très peu le sont restés, mais moi je crois qu'on le restera. On le restera. À vie, à vie. Ceci même si, nos ennemis, grève de jalousie, on séduit. On séduit. On le vit, on l'a servi. On l'y choisit, Vitry, on survit. On survit. Dédié, Marco, c'est Freddy. Daddy, Kéré, le idée agit. Agi. Je ne reste pas sans savoir. Écoute l'histoire. Dédié, Marco, c'est Freddy. Daddy, Kéré, c'est le idée agit. Agi. Tu verras vraiment savoir. DJ Mehdi compose la mélodie. Les enceintes qui s'en foutent l'esprit, je te dis t'es tourdi. DJ Mehdi, DJ Mehdi, ce soir merci, viens tout droit de ton pédo. DJ Mehdi compose la mélodie. Les enceintes qui s'en foutent l'esprit, je te dis t'es tourdi. Si c'est Kerry qui dit de l'esclave le fils. À chacun de mes lyrics tu sais que l'Afrique s'immisce. À chacun de mes lyrics tu sais que la vérité s'immisce. C'est que dans l'industrie du disque exige des sacrifices. Mais moi faut que je puisse exorciser les injustices qui ternissent, sentent la vie de ceux qui périssent en silence. Faut que je puisse le faire avant que la mort m'emporte. Pour ceux qu'on souffert et que le mal escorte. La mienne est lourde et pourtant j'apaise les consciences. En attendant le jour et je paierai de mon arrogance. Là j'entre dans la danse dramatique. Tu peux me faire confiance dans le studio présent. Je ne fais pas carte de présence. C'est surtout pas pour son look. Écoute, rien à foutre, on n'est pas là pour faire le plouc. Peu importe la manière dont on se traîne, nos dégaines, on reste toujours les mêmes. Et c'est du feu que nos lyrics contiennent. Si tu ne sais pas encore le idéal G, là, tu vas ne penses pas qu'à passer la route ici. Ma bien qu'un prix, Teddy, repose sur Freddy. Le idéal G, là, tu vas ne penses pas qu'à passer la route ici. Ma bien qu'un prix, là, tu vas ne penses pas qu'à passer la route ici. Le respect à ses le groupe c'est idéal et la famille c'est ma bien qu'un prix. Là, là, devant toi, là, soit pour toi, cette mascarade est ici. DJ me dit, compose la mélodie, celle qui t'embrouille l'esprit, je te le dis, t'es courti. Là, là, là, soit devant toi, cette mascarade est ici. Si c'est Rocco, vous l'êtes loco, vrai gros, cette mascarade est ici. MK, R-O-H-W-F, là, là, cette mascarade est ici. Teddy, le négro qu'elle dira séduisant. Idéal jusque dans l'âme et l'encule les médisants. Ouais, Kerry James, l'attitude. DJ Mehdi, Rocco et Teddy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Laisse-moi avec ce style, fais mal, mal, mani mal. Tiens, je te dis ça, Teddy. Eh, Teddy, rien. Comment ça pourrait faire? Ouais. Opération coup de pompe. MC, dois-je sortir le pompe? Pas seulement pour la frime. Non, non. Mais simplement parce que tu me pompes l'air. Opération coup de pompe. MC, dois-je sortir le seulement pour la frime. Mais simplement parce que tu me pompes, en plus tu me pompes mes idées. Mon concept pour phraser, j'ai pas besoin de l'assassin pour s'écraser. Attends, je vais t'arroser, freestyle racaille, c'est là que je vais te baiser. Causer, des dégâts de taille, ils sont même les dosés. Car oser, s'approprier mon swing, c'est s'opposer à mon ascension. Mais ces sons, je vais t'exploser. Je vois rouge comme un certain MC du New Jersey. Orly Sud, ma piste, ne sait jamais t'y poser. Faudrait savoir avec quel genre de mec gazé. Gaz avec les murs, tu finiras par te faire gazer. Je suis blasé de supporter ton air de PD. D'Alpé, arrête de rapper, ça va déraper. Comme moi et ma clique, d'univers un soldat. 1-1-3, Kafri Mafia débarque sur toi, on fout le fire. Clique, clique pas, et ça fait bouilla. Celle-ci c'était pour les mecs qui pourra dans les vocas. Clique, clique pas, et ça fait bouilla. Tu bougeras pas, tout simplement parce qu'il y a toujours 94, 310 000 raisons pour ne pas jouer au con. Financièrement parlant de jouer, j'ai vraiment plus le temps. Donc radicales seront mes actions. Je mettrai en péril votre mouvement. Quoi, les bouffons d'antan veulent entrer dans la course des champions. Leur condamnation sera scellée, signée de mon tampon. A trop flambé, ils accélèrent leur exécution. Est-ce parce que d'une critique générale nous nous contentons pour le moment? Mais le jour où je me lève du mauvais pied, mon nom va figurer dans mon lyrics meurtrier. Au pied du mur, je vais t'expédier à quelques pieds. Sous terre, au mieux, tu vas danser sur un pied. Y'a un justicier qui lui aura mis le pied dans une sale histoire. À ce bâtard, je ferai savoir que je viens du 9-4 et que par conséquent j'attaque. Tu sais par expérience, petite pute, personne ne mac. Mac, le mac daddy qui MC meurtrier, chacune de mes rimes, le meurtrier.